je me suis lancé dans une politique de recrutement d'archéologues municipaux, départementaux. J'ai créé une dizaine. Alors, c'était soit d'anciens correspondants. Il y a des villes où je n'ai pas réussi. C'est au hasard des relations politiques, tout. C'est un autre. Mais j'ai commencé à recruter le premier archéologue départemental, 75. J'en ai eu deux. Qui était ? Il y avait Albo et Florin.